إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence la partie numéro 10 dans l'explication de la aqidah de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani avec l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan hafizahullah. Et on est arrivé à la place où, ou à l'endroit où l'imam Ibn Abi Zayd mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il enveloppe toute chose par sa science. Et que, yani, il n'y a pas une feuille d'arbre qui tombe, excepté qu'il la connaît. Et il n'y a pas une graine dans les ténèbres de la terre, qu'elle soit sèche ou qu'elle soit humide, excepté que cela est écrit dans un livre clair. Le livre clair dont il est question dans le verset, eh bien c'est Al-Lawh al-Mahfouz. Donc le cheikh, il l'explique, il dit Al-Kitab huwa Al-Lawh al-Mahfouz. الذي كتبت فيه مقادير الخلائق بعد علم الله جل وعلا بعد علم الله جل وعلا بها فقد علمها أولا ثم كتبها ثانيا لأن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب الأولى مرتبة العلم أن الله علم كل شيء بعلمه الأزلي الأبدي الثانية كتابة ذلك في اللوح المحفوظ والثالثة مرتبة المشيئة إنه إذا جاء حدوث الشيء ووجوده كان ووجد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والرابعة مرتبة الخلق والإيجاد بعد المشيئة. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout écrit dans la table préservée. Il a écrit la prédestination de toutes les créatures et il l'a écrit après avoir su. Hein? Parce que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours éternellement su toutes choses. Il l'a su en premier et il l'a écrit en deuxième. Et ça fait partie des différents degrés de la foi en Al-Qadha ou Al-Qadar. Al-Qadha, ça veut dire le décret divin. Et Al-Qadar, ça veut dire la prédestination. Hein? Ou bien ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédéterminé pour chaque chose. Donc l'iman bil qada wa al qadar, elle nécessite la foi en quatre choses. Celui qui n'a pas la foi en ces quatre choses n'a pas cru en al qada wa al qadar. Et donc c'est très important de les connaître et de les apprendre et de les mémoriser pour bien comprendre qu'est-ce que signifie la foi en la prédestination dans l'islam. Celui qui a compris ces quatre points et qui a cru en ces quatre choses, il a cru correctement en Al-Qadar ou Al-Qadar, Inch'Allah. Le premier degré, c'est Al-Ilm, la science d'Allah. Le fait de savoir et de croire que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours su tout, hein, et que sa science, elle est éternelle. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Il enveloppe toute chose de sa science. Deuxièmement, qu'il l'a écrit par la suite. Tout ce qui allait se produire a été écrit dans Al-Lawh Al-Mahfouz. Ça, c'est le deuxième élément parmi les éléments de la foi en Al-Qadar. Souvent, vous allez voir que les gens disent, ça c'est le maktoub. Quand il y a quelque chose qui se produit, ils disent « Hadha al-maktoub ». Hein? Eh bien, al-maktoub, c'est un des degrés parmi les degrés de al-iman bil-qada' wa al-qadar. D'accord? Donc, c'est-à-dire que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a su de qu'est-ce qui allait se produire jusqu'à la fin des temps, ça a été écrit. D'accord? Le troisième degré, c'est al-mashi'a. Al-mashi'a, ça veut dire la volonté. Hein? Et c'est-à-dire que ce que Allah veut, c'est ce qui se produit, et ce qu'il ne veut pas, c'est ce qui n'est pas. Ma sha Allahu kan, ou ma lam yasha, lam yakun. Il n'y a rien qui peut se produire dans l'univers sans que ce soit en accord avec sa volonté. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, et peu importe ce qui arrive, c'est par la volonté d'Allah uniquement que cela peut se produire. Toutefois, il y a un petit point ici qui est important à saisir et que parfois certaines personnes ne comprennent pas tout le temps. C'est que même si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu quelque chose, hein, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait ou qu'il aime cette chose. D'accord? Puisque les ulama ont divisé ou ont mentionné que la volonté, c'est divisé en deux catégories. Al-irada al-kawniya et al-irada al-shar'iyya. Al-irada al-shar'iyya, c'est quoi? C'est la volonté d'Allah qu'on peut découvrir par l'intermédiaire de sa révélation. Et c'est dans cette révélation-là qu'on peut connaître la volonté d'Allah par rapport à qu'est-ce qu'il aime. D'accord? Dans la révélation, on peut connaître Allah subhanahu wa ta'ala et sa volonté parce qu'il nous dit dans sa révélation ce qu'il aime. Hein? Il veut que les êtres humains soient obéissants à ses ordres. Il veut que les êtres humains fassent le bien. Il veut que les êtres humains s'écartent du mal. Il veut que les êtres humains croient en lui. Il veut que les êtres humains ne fassent pas d'injustice. Hein? Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-irada al-shar'iyya. Et comment on peut la connaître, cette volonté? On peut la connaître par la révélation. Et il y a une autre volonté qu'on appelle al-irada al-kawniyya. Ça, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, par sa sagesse, il permet à certaines choses de se produire dans l'univers, hein, même s'il ne l'aime pas. Et même si ça va en contradiction avec sa volonté dans la révélation, dans ce qu'il a ordonné. Et le but et la sagesse pour laquelle il permet que cela se produise, c'est pour mettre l'homme à l'épreuve et pour le tester. Donc, si par exemple quelqu'un fait quelque chose qui est haram, hein? C'est sûr que Allah subhanahu wa ta'ala l'a su à l'avance qu'il allait le faire. Et il a voulu que cet acte se produise. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aime pas, puisque cet acte est en contradiction avec ce qu'il a permis dans sa révélation. D'accord? Mais en même temps, tu ne peux pas utiliser la volonté d'Allah dans la création comme argument pour justifier le mal que tu fais. Pour dire par exemple, si quelqu'un boit de l'alcool, il dit c'est Allah qui a voulu que je bois de l'alcool, donc je l'ai bu. Hein? Oui, mais il a interdit ça dans sa révélation. Donc, dans ce cas-là, tu es dans la désobéissance. Hein? Et même si Allah subhanahu wa ta'ala a su que ça allait se produire. Et il l'a écrit. Et il l'a voulu parce que ça ne pouvait pas se produire sauf s'il l'a voulu lui-même. Mais il l'a quand même interdit par l'intermédiaire de ses messagers et de ses livres. Et donc tu n'as pas d'excuse, hein, d'avoir fait cet acte-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aime pas. Donc, parce qu'il y a des gens, parmi les soufiyines, parmi les soufis, qui disent que yani, tout ce que tu fais, que ce soit de bien et de mal, c'est pas grave, parce que yani, tu es toujours dans la volonté d'Allah. Hein? Et ils mettent de côté la révélation. Ça, c'est incorrect. Hein? Ça, c'est incorrect. Donc, ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, le quatrième degré par rapport au qadar, c'est yani, le troisième point. Le cheikh il a cité le verset innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, c'est-à-dire lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose, il n'a qu'à lui dire, il lui ordonne d'être et elle est, il dit soit et elle est. Le point numéro 4 ou le degré numéro 4 par rapport à yani al-iman bil qada'i wal qadar huwa al-khalq wal ijad, c'est-à-dire que tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé. Tout ce qui existe, c'est Allah seul qui l'a créé. Contrairement aux majus. Les majus, c'est ce qu'on appelle en français les zoroastriens. C'est une ancienne religion qui existait en Perse. Et certaines personnes continuent encore à croire à cette religion. Là, c'est des gens qui adorent, il y en a deux dieux. Ou bien ils croient en deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal. Et ils disent, le dieu du bien c'est le dieu de la lumière, et le dieu du mal c'est le dieu des ténèbres. Et donc, pour eux, le dieu du bien, ils le représentent par le feu. Et donc tu les vois souvent, ils adorent du feu. C'est pour ça qu'on les appelle les adorateurs du feu. Hein? Allah al-Musta'an. Et donc, eux, ils disent, donc, il y a un Dieu pour le bien, et c'est lui qui a créé le bien, puis il y a un Dieu pour le mal, et c'est lui qui a créé le mal, et les deux, ils sont en guerre. Hein? Ils disent, à la fin, c'est le Dieu du bien qui va gagner. Hein? Donc, nous, dans l'islam, on dit, on est contre cette aqid, hein? Elle est batila, elle est fausse. Hein? On dit, non, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé. Ce qui est bien et ce qui est mal. Même si, on pense que, par exemple, quand on voit des choses que Allah a créées, hein, on peut dire, par exemple, on voit des choses que Allah a créées, on dit, ah, ça c'est mal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce mal et il y a du bien dedans. C'est-à-dire qu'il y a une sagesse pour laquelle Allah l'a créé. Même la création de Iblis, le shaitan, hein, il y a du bien dedans. Pourquoi? Parce que c'est par cela qu'il met les hommes à l'épreuve et qu'il les teste. Et qu'il va savoir ceux qui sont reconnaissants et ceux qui sont ingrats. Hein? Et ceux qui sont désobéissants et ceux qui sont obéissants. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé un mal qui est pur, purement mal, et complètement mal ou absolument mal. Hein? Dans tout ce que Allah a créé, il y a toujours du bien, même si yani, il peut y avoir du mal, même si ça peut être mal en apparence. Non, donc ça c'est un point important aussi à comprendre par rapport à cet élément-là. Ensuite, le cheikh explique le point suivant, wa ala al-arsh istawa, et il s'est élevé sur le trône. Ça, on l'a expliqué tout à l'heure. Et il dit à ce sujet, ja fil ayat fi surat al-a'raf wa ghayriha fi sab'ati mawadi'. C'est-à-dire, on retrouve des versets qui mentionnent que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur le trône dans 7 différents versets dans le Coran, à différents endroits dans le Coran. Il dit ensuite وَعَلَى الْمُلْكِ احْتَوَى وَعَلَى الْمُلْكِ احْتَوَى يعني احتوى الملك كله أي ملك يعني ملكه وحده قال تعالى بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فالملك كله لله عز وجل وإنما يعني يملك المخلوق شيئا يسيرا ثم يسلبه منه. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فملوك الدنيا مملكون، يعني ملكهم الله سبحانه وتعالى، ثم ينزع منهم الملك إما بموتهم وإما بتسلط أحد عليهم. أما مالك الملك المطلق فهو الله جل وعلا الذي لا يزول ملكه سبحانه وتعالى ولا يبيد. Donc le Cheikh explique que وعلى الملك احتوى, ça veut dire que c'est Allah, il possède tout son royaume et personne ne possède يعني rien de son royaume. C'est à lui que tout appartient et à lui seul. Et il mentionne des versets à ce sujet-là, comme le verset 1 dans Surat al-Mulk, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Hein? C'est-à-dire que béni soit yani celui تبارك الذي بيده الملك, que béni soit celui qui a le royaume dans sa main. Hein? Tout ce qui existe, c'est sa possession, c'est à lui que ça appartient. C'est lui le roi. C'est lui le roi suprême et absolu de toutes choses. Et dans un autre verset, dans Surat Yassin, verset 83, فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. C'est yani, gloire à celui qui a dans sa main le, yani, le pouvoir, le, ou bien le contrôle, ou qui détient tout yani, le monde, ou le royaume dans sa main. Et c'est vers lui qu'ils vont retourner. Donc, Al-Mulk appartient à Allah. Tout ce qui existe appartient à Allah seul. C'est pas que Allah subhanahu wa ta'ala détient certaines choses puis que d'autres appartiennent à d'autres personnes. Allah subhanahu wa ta'ala ne partage même pas un seul atome de l'univers avec quoi que ce soit et avec quiconque. Tous les atomes de l'univers lui appartiennent à lui seul et c'est lui seul qui les contrôle et qui les gère. Hein? Et rien ne peut se produire dans son royaume excepté par sa volonté et par sa permission. Et c'est lui qui contrôle tout par sa force. Le Cheikh explique également que si des créatures sont propriétaires de quelque chose, ou qu'ils sont des rois, eh bien, ça c'est quelque chose que Allah leur donne, une petite partie seulement de son royaume. Allah subhanahu wa ta'ala leur donne uniquement une petite partie de son royaume. Puis ensuite, il leur reprend. Ensuite, il le reprend. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 26 dans Surat Al-Imran, il dit au Muhammad, ô Allah, c'est toi le détenteur du royaume. Tu donnes le royaume ou le pouvoir hein, à qui tu veux. Et tu le retires à qui tu veux. Et tu élèves qui tu veux et tu rabaisses qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Donc, il explique que les rois qui existent dans ce monde, en réalité, c'est Allah qui leur a donné le pouvoir qu'ils ont. Et c'est Allah qui leur a donné le royaume qu'ils possèdent. Et il leur a donné et il leur retire aussi, quand il veut et à qui il veut. Soit par leur mort, au moment de leur mort, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, ils perdent leur royaume, donc c'est, yani, ils n'ont plus le royaume, donc Allah leur a retiré. Ou bien par le fait que quelqu'un d'autre leur enlève. Hein? Il la donne à quelqu'un d'autre. Et il dit qu'en ce qui concerne le maître et le détenteur, et le propriétaire ou le roi absolu, c'est Allah seul. Et c'est un royaume qui ne va jamais, hein? Ne va jamais périr, il ne va jamais cesser. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est le maître et le possesseur et le détenteur de toutes choses. وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْعُلَى. Le Cheikh explique ensuite, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a les plus beaux noms et il a les attributs élevés. Hein? Ses attributs sont hautes et élevés. Le Cheikh explique ce passage-là en disant, قَالَ تَعَالَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ له الأسماء الحسنى وغيرها من الآيات فأسماؤه كلها حسنى لأنها تدل على الكمال. ولها معان جليلة فكل اسم منها يدل على صفة عظيمة من صفات الله عز وجل فهي ليست أسماء مجردة وإنما هي أسماء لها معان عظيمة ولذلك سميت حسنى فالرحمن يدل على الرحمة والسميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر والعليم يدل على العلم والحي يدل على الحياة إلى آخره. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, ses noms sont tous beaux, ils sont tous parfaits, ont tous des significations qui sont belles et qui impliquent la perfection, d'accord, et elles ont des significations qui sont majestueuses et nobles et grandes. Et yani, chaque nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala indique une des grandes attributs parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas des noms qui n'ont pas de signification, hein? Comme par exemple, certains d'entre nous, on peut avoir un nom et ce nom-là n'a pas de signification, mais ça indique seulement, ça nous définit seulement dans le sens que on l'utilise pour nous appeler, pour nous distinguer des autres personnes, mais ça n'a pas une signification particulière, d'accord. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms, ce sont pas des noms comme on dit asma'un jamida, non, ce sont des noms qui ont une signification et qui ont un sens, et les significations de ces noms sont en réalité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est Ar-Rahman, eh bien ça indique qu'il a Ar-Rahma. Ar-Rahman, tout miséricordieux, ça implique qu'il est miséricordieux et qu'il a la miséricorde comme attribut. Et As-Sam', ça implique qu'il a l'attribut de l'ouïe, hein, et qu'il entend. Et Al-Basar, l'attribut de la vue et qu'il voit. Et Al-Ilm, l'attribut de la science et qu'il sait. Et Al-Hayat, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Hay, il est le vivant et qu'il a l'attribut de la vie. Mais toutes ces attributs-là, bien entendu, sont incomparables et différentes, hein, de celles de ses créatures, puisque ce sont des attributs chez Allah subhanahu wa ta'ala qui sont parfaites et complètes, hein. Et il dit was-sifat al-ula wa hiya kulluha sifatun aliyah, sifat aliyah laysat ka sifat al-makhluqin allati minha sifatun zamima. Chez les créatures, quelqu'un peut avoir des attributs, des caractéristiques qui sont blâmables, hein, qui sont mauvaises, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, non, toutes ses attributs sont bonnes, tous ses attributs sont élevés, toutes ses attributs sont hautes, hein, et n'ont que des bonnes significations. Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun défaut, aucune imperfection, hein, aucune faiblesse. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il dit, le Cheikh Ibn Abi, l'Imam Ibn Abi Zayd, il dit وَلَمْ يَزَلْ بِجَمِعِ صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ تَعَالَى أَنْ تَكُونَ صِفَاتُهُ مَخْلُوقَةً وَأَسْمَاؤُهُ مُحْدَثَةً. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours eu ses attributs et ses noms éternellement, et que Allah soit purifié d'avoir une attribut quelconque qui serait créé ou qui serait yani, ou un nom qui serait créé, hein? Allah n'a aucun de ses noms ou de ses attributs qui est créé. Le cheikh explique ça en disant Allah jalla wa ala lam yazal wa la yazal bi jami'i asma'ihi wa sifatihi lam yuhdath lahu sifatun ba'da an lam takun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a toujours eu et aura toujours tous ses noms et toutes ses attributs. Et vous savez que dans les hadiths, qu'est-ce qu'on mentionne? Que Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99 noms, hein, 99 isman. Mais les ulama ont expliqué que en réalité Allah subhanahu wa ta'ala a d'autres noms qu'on ne connaît pas, hein, et qu'il a gardé pour lui. Et la preuve de ça, c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit يعني اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ها؟ Qu'est-ce que ça signifie « awistatharta bihi fi ilm al-ghaybi indak » C'est-à-dire « où yani, tout, je te demande, ô oh Allah, par tout nom que tu possèdes, par lequel tu t'es nommé, ou que tu as révélé à l'un de tes messagers, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as préservé dans ta connaissance de l'invisible. Tu as gardé Tu as, ou un nom que tu as gardé dans ta connaissance de l'invisible et de l'inconnu. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a certains de ces noms qu'il ne nous a même pas révélés. Hein? Naam. Donc on ne sait à propos d'Allah que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit par l'intermédiaire de ses messagers. Donc il a plus que 99 noms, subhanahu wa ta'ala. Mais il nous ordonne yani, de l'invoquer et de le mentionner par ses noms qu'il nous a fait connaître par sa révélation dans le Coran et dans la Sunna. Et le cheikh explique, il dit qu'il n'y a pas une de ces attributs qui est créée. Hein? Il a toujours eu ses attributs et ses noms. Il n'y a pas un de ces noms ou une de ces attributs qui est apparu ou qui est venu après qu'elle, c'est-à-dire après le ne pas avoir été. C'est-à-dire qu'elles ont toujours existé, ces noms et ces attributs-là, chez Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ces attributs sont reliés à sa personne et à son être. Et il est lui-même éternel, donc ses attributs sont éternels. Hein? Sauf que les attributs d'action, comme on l'a mentionné, sont reliés à sa volonté. Et il les fait quand il veut, mais il a toujours cet attribut-là quand même. Hein? Donc le cheikh explique, il dit « La bidayata laha kama annahu la bidayata lahu subhanah wa la nihayata laha kama la nihayata lahu subhanahu wa ta'ala fajami'u asma'ihi wa sifatihi huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa fi hadha raddun ala alladhina yunfuna al-asma'i wal-sifat kal-jahmiya wal-mu'tazila wal-asha'ira wa yaquluna idha athbatna al-asma'i wal-sifat جعلنا له شركاء في القدم وهو لا شريك له في القدم ولذلك من أصول الخمسة من أصولهم الخمسة التوحيد وهو نفي الصفات ونرد عليهم بأن الصفة ليست غير الموصوف فالاسم ليس هو غير المسمى حتى تقول إنها شركاء لله عز وجل ولذلك يسمى هؤلاء الذين يثبتون الأسماء والصفات بالمشركين ويصفونهم بالشرك لأنهم أثبتوا شركاء لله بزعمهم حيث جعلوا الأسماء والصفات كأنهم مخلوقات تشارك الله بزعمهم وهذا من كفرهم وضلالهم. Donc le cheikh il explique que يعني Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs, comme lui, il est éternel, eh bien ses attributs sont éternels. Hein? Et comme elles n'ont pas de début, hein, elles n'ont pas de début comme lui n'a pas de début, et elles n'ont pas de fin comme lui n'a pas de fin. Et tous ces noms et tous ces attributs sont hein, comme lui-même s'est décrit, qu'il est le premier et le dernier. Et al-zahir ou al-batin, celui qui est au-dessus de tout et celui qui est près de tout. Et donc, ça c'est une réfutation pour ceux qui nient les noms et les attributs d'Allah, comme les Jahmiya. Et des Jahmiya ont découlé les Mu'tazila par la suite. Et ensuite les Asha'ira et les Maturidiya. Et ces différentes sectes sont à des degrés différents d'égarement par rapport à cette croyance en les noms et en les attributs d'Allah. Hein? Donc ces sectes-là sont des sectes qui ont dévié à propos des noms et des attributs d'Allah. La plus égarée de toutes, c'est la secte des Jahmiyyah. Et celui qui l'a fondée, c'est son nom est Ja'd ibn Dirham. Ja'd ibn Dirham. Et celui qui l'a propagé après lui, c'est son nom est Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle les Jahmiyyah. Et la raison pourquoi on ne les appelle pas les Ja'diyyah, par rapport à celui qui l'a inventé ou qui l'a ramené en premier, c'est parce que Ja'd ibn Safwan, Ja'd ibn Dirham est mort et il n'a pas vraiment eu le temps de propager sa croyance. Mais c'est son élève, donc celui qui l'a suivi par la suite, Jahm ibn Safwan, qui a été celui qui l'a vraiment propagé. Alors on attribue cette aqidah à Jahm ibn Safwan et c'est pour ça qu'on appelle cette secte les Jahmiyyah. Et parmi les croyances des Jahmiyyah, c'est qu'ils disent qu'on ne peut rien dire à propos d'Allah excepté qu'il existe. Mais tout autre attribut qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, il faut la nier. Hein? Il ne faut pas l'affirmer. Parce que si on l'affirme selon eux, eh bien ça implique une ressemblance entre le Créateur et la créature. Hein? Et ça, il n'y a pas de doute que c'est totalement faux. Et le Cheikh explique ensuite qu'il y a les Mu'tazila qui sont venus. Et les Mu'tazila, on dit que le fondateur de la secte des Mu'tazila s'appelait Wasil ibn Atta. Wasil ibn Atta. Et Wasil ibn Atta était à l'époque de un des grands parmi les tabi'in, un grand savant parmi les tabi'in qui s'appelait Al-Hassan al-Basri. Et il était un de ses élèves. D'accord? Et à un moment donné, il a divergé avec Al-Hassan al-Basri sur une question qui a rapport avec la aqidah. Et cette question, c'était yani, la question au sujet des musulmans qui commettent des grands péchés. À savoir, est-ce qu'un musulman, lorsqu'il commet un grand péché, est-ce qu'il sort de la foi ou bien il continue à être musulman et croyant, mais yani, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Hein? On sait que la position d'Ahl Sunnah Wal-Jama'a, au sujet du musulman qui commet des péchés, qui commet des grands péchés, on dit à son sujet qu'il est mu'minun bi'imanihi fasiqun bi'kabiratihi. Hein, c'est un croyant, mais qu'il est pervers par rapport à son péché. Hein, il ne sort pas de la foi. Mais les Mu'tazila, Wasil ibn Atta, lui, il n'a pas été d'accord avec ça. Il a contredit le Coran et la Sunna, et il a contredit la position des Sahaba et des Salafs, et il a inventé une nouvelle aqidah à ce sujet. Et il a dit que le musulman, quand il commet un grand péché, il n'est ni croyant ni mécréant. Hein? Laysa bi mu'min wala kafir. Mais il dit qu'il est dans un état entre les deux. Et c'est pour ça que un des éléments de la aqida, c'est de dire que yani, il croit en al-manzila bayna al-manzilatayn. Il croit en un degré entre les deux degrés, hein? Entre la foi et la mécréance. Et ça, c'est une bid'a. Personne avant lui n'avait dit cette chose-là. Et par contre, ils disent que dans l'au-delà, hein, il est dans l'enfer pour l'éternité. Donc, ils ont en fait à ce sujet la même aqidah que les Khawarij. La différence qu'ils ont avec les Khawarij, c'est que les Khawarij, eux, ils font le takfir de cette personne. Ils déclarent kafir dans cette vie d'ici-bas. Tandis que les Mu'tazila, eux, ils disent il n'est ni kafir ni mu'min. Mais dans l'au-delà, ils sont tous les deux d'accord. Ils se rejoignent. Ils disent qu'il est dans l'enfer pour l'éternité. A'udhu billah. Et ça, c'est en contradiction avec la position d'Ahl Sunnah, hein, qui clarifie que le pécheur, celui qui a commis des grands péchés, tant qu'il n'a pas commis du shirk akbar ou du kufr akbar, il reste toujours croyant. Et il ne sort pas de l'islam. Hein, et que s'il meurt sur son grand péché sans se repentir de ce péché-là, avant sa mort, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va lui pardonner par sa miséricorde. Et si Allah veut, il va yani, le punir par sa justice. Mais même si ce musulman qui est pécheur et qui est mort sur le tawhid yani, entre en enfer, il ne va pas y demeurer éternellement à cause de son tawhid. Et tôt ou tard, Allah va le faire sortir de l'enfer et le faire rentrer au paradis. Ça, c'est la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de ceux qui ont commis un grand péché. Donc, Wasil ibn Atta, il a dévié sur cette question et il a dévié également sur la question des noms et des attributs par la suite. Et d'autres personnes se sont rejoints à lui et ont rajouté d'autres bid'ah à la bid'a des noms et des attributs et à la bid'a de la foi. Hein? Et par exemple, c'était un individu qu'on appelait Amr ibn Ubayd. Amr ibn Ubayd, et lui, c'est une personne qui niait la prédestination. Donc, c'est un qadari. Et c'est là, il a ramené qu'est-ce qu'on appelle la secte des qadariyya. Lui, ainsi qu'un autre qu'on appelait Ghaylan al-Dimashqi. Tous ces gens-là sont des gens qui sont apparus, hein, à une époque et qui ont commencé à infiltrer, hein, le rang des musulmans et à propager des innovations et à nier des aspects de la croyance et à déformer la réalité des textes de la religion pour supporter, yani, leurs égarements. Et les salaf al-salih les ont tous combattus. Les sahaba, les tabi'in, les tabi'in par la suite, ils ont tous combattu ces gens d'égarements-là. Ils les ont tous réfutés. Hein? Et en particulier les Jahmiya, puisque les Mu'tazila. Donc, à propos des attributs et des noms d'Allah, c'est quoi la aqidah des Mu'tazila là-dessus? C'est que eux, ils affirment les noms, mais ils nient les attributs. Hein? Donc, ils disent les noms d'Allah sont des noms qui n'ont aucune signification et aucun sens. Hein? C'est seulement des noms différents que Allah s'est donné, mais qui n'ont pas une signification. Donc, ils nient les attributs. Et ils disent, Allah est savant, mais il n'a pas de science. Il est voyant, mais il n'a pas de vue. Il est audient, mais il n'a pas d'ouïe. Hein? Et il est vivant, mais il n'a pas de vie, ainsi de suite. Et ça, bien entendu, c'est complètement ridicule. Mais eux, ils s'imaginent que la raison pourquoi ils pensent qu'ils doivent faire ça, c'est parce qu'ils s'imaginent que si on affirme à Allah différents attributs, ça veut dire qu'on associe des partenaires à Allah. Ils pensent que les attributs d'Allah sont séparés de son être. Et ça, c'est, hein, de leurs égarements. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite, ceux qu'on appelle les Asha'ira et les Maturidis, hein? Eh bien, ils ont suivi ceux qu'on appelle les Mu'tazila. Ils sont venus après. Hein? Les Mu'tazila, les Jahmiya, ils nient les noms et les attributs. Les Mu'tazila, ils affirment les noms, mais ils nient les attributs. Eh bien, les Asha'ira, eux, sont venus par la suite. Ils ont essayé de réfuter les Mu'tazila. Ils leur ont dit, nous, on affirme les noms, mais les attributs, on n'en accepte que 7. Il y en a d'autres qui disent 13. Hein? Par exemple, ils disent, oui, on croit qu'Allah a la connaissance, le savoir, il a la puissance, il a la parole, il a la vue, il a l'ouïe, hein, il a la sagesse, hein, et ainsi de suite. Mais les autres attributs, on ne va pas les accepter tels quels, on les déforme de leur sens. Hein. Donc, ils acceptent des attributs et les autres, ils les renient. Et ça, c'est en contradiction avec la voix des salafs, puisque les salafs, ils affirmaient toutes les attributs sans exception. D'accord ? Ils ne faisaient pas de différence entre une attribut et une autre. Hein? Et c'est pour ça que les ulama, le sunna, ils les ont débattus, ils les ont réfutés, en disant, comment vous pouvez affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il a l'ouïe et la vue, alors que vous niez les autres, parce que vous dites que les autres sont présents chez les créatures. Hein? Comme par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala, eux, ils disent, nous on affirme qu'Allah a la colère, al-ghadab, et également qu'il se réjouit, hein, de la repentance de son serviteur, par exemple, ou bien que Allah subhanahu wa ta'ala il a la miséricorde, ou bien que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il s'est décrit dans le Coran, il a une main, hein, il a deux mains, il a deux yeux, il a un visage, hein, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans la sunna, il a également il a décrit que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre son pied sur l'enfer au jour de la résurrection, et ainsi de suite. Donc ils disent, nous on n'affirme pas ça et on n'accepte pas ça. Également les attributs d'action, ils les nient, comme le fait qu'Allah s'est élevé au-dessus du trône, ou le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle, même qu'ils disent que le Coran c'est pas la parole d'Allah, c'est créé, hein? Ça c'est des exemples. Et même les Asha'ira, ils disent ça, ils disent, qu'est-ce qu'on retrouve dans le mushaf, ça c'est pas la parole d'Allah, c'est créé, hein? Parce qu'ils disent que la parole d'Allah elle n'a pas de voix et de lettres. A'ouzou billah. Mais par contre, hein, ils disent Qu'est-ce qui est la parole d'Allah? C'est l'expression ou le sens. Hein? Ils disent que le Coran, c'est l'expression ou le sens de la parole d'Allah, non pas la parole d'Allah elle-même. Et ça, c'est de l'égarement, il n'y a pas de doute. D'accord? Donc, tout ça, il y a pour montrer que ce sont des gens qui ont dévié. Et le fondateur de la Aqida des Asha'ira, c'était celui qu'on appelle Abu al-Hassan al-Ash'ari. Hein? Et Abu al-Hassan al-Ash'ari, il est né en l'an 260 de la Hijra. En l'an 260. Bien longtemps après la mort des quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed et les autres parmi les salafs. Donc il est venu plus tard. Et en réalité, il a grandi dans la maison d'une des têtes des Mu'tazila. Parce que après la mort de son père, sa mère s'est remariée avec un homme, et cet homme-là c'était je me rappelle bien son nom c'était Al-Jubba'i, et lui c'était justement à son époque un des chefs de la secte des Mu'tazila, et il niait bien entendu les attributs d'Allah. Donc lui, pendant Abu al-Hassan al-Ash'ari, pendant 40 ans il a été sur la croyance des Mu'tazila, il était dans cette secte. Puis après, à un moment donné, il a commencé à avoir des doutes. Et il a remis en question la croyance des Mu'tazila. Et il s'est repenti de la croyance des Mu'tazila. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à utiliser ce qu'on appelle yani, ilm al-kalam, la philosophie. Comme les Mu'tazila aussi, c'est la même chose. Mais sauf que eux, ils essayaient de ramener la philosophie et d'essayer de la mettre en accord avec la sunna. Donc il faisait comme un genre de mélange entre l'islam et la sunna. C'est comme ceux qui aujourd'hui essaient de ramener ensemble l'islam et les règles de la charia et le mode de vie ou les valeurs occidentales, les croyances occidentales. Et donc, tôt ou tard, ils sont obligés de déformer la réalité de l'islam pour essayer de les réconcilier. Parce que les deux sont en opposition. Donc, soit ils vont déformer les principes de l'un ou de l'autre, ou les deux ensemble, pour essayer de les réconcilier ensemble. Eh bien, c'est la même chose que qu'est-ce que Abu al-Hassan al-Ash'ari a fait. Il a commencé à dire, bon, on va affirmer certains attributs qu'on peut affirmer par la raison et par la logique, mais les autres attributs qu'on ne peut pas affirmer par la raison, on ne va pas les affirmer, on va les déformer de leur sens réel. D'accord? Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que on dit qu'à la fin de sa vie, il est revenu de ça et qu'il s'est repenti, et il a écrit des livres. Et parmi ces livres-là, il y a Al-Ibana fi Usul Diyana. Il y a aussi un livre qu'on appelle Maqalat al-Islamiyin. Dans ces livres-là, il a affirmé les attributs d'Allah sans exception. Et il a mentionné qu'il revenait à la aqida des gens de la sunna et la voix de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans l'aqidah, qui est d'affirmer les attributs sans exception. Il y a toutes les attributs d'Allah, on les affirme tels quels, et on ne les déforme pas de leur sens, et on ne nie pas leur réalité, et on ne demande pas le comment, et ainsi de suite. D'accord? Et on ne fait pas de ressemblance entre Allah et sa création. Tout ça pour comprendre que ces différentes croyances qu'on appelle les croyances des Mu'abdila, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira et aussi les Maturidiya, tout ça c'est quelque chose qui est venu après et qui est innové. D'accord? Les gens qui disent aujourd'hui qu'ils suivent Abu al-Hassan al-Ash'ari, ils ne suivent pas sa dernière position, celle qu'il a eue avant sa mort, celle sur laquelle il s'est repenti. Ils suivent sa période intermédiaire, c'est-à-dire la période qu'il a eue après avoir quitté les Mu'tazila et avant d'avoir accepté la aqida des salafs. D'accord? Donc c'est pour cette raison-là qu'ils ont en fait trahi la personne qu'ils prétendent suivre. Puisque Abu al-Hassan al-Ash'ari, comme je disais, il n'était pas à sa mort, il n'est pas rester dans l'égarement. Et ça, ça veut dire que les ulama, ils regardent toujours la dernière position de quelqu'un pour déterminer quelle était sa croyance. Hein? Donc, même si quelqu'un, toute sa vie, il a été dans l'égarement, mais si avant sa mort, il s'est repenti et il est venu sur la vérité, on va considérer qu'est-ce qu'il a eu avant sa mort comme croyance. Et non pas qu'est-ce qu'il a fait pendant le reste de sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit justement à ce sujet-là, innama al-a'malu bil khawatim. Innama al-a'malu bil khawatim. C'est-à-dire que qu'est-ce qui compte dans les œuvres d'un homme et dans sa position, c'est qu'est-ce qu'il a eu comme position à la fin de sa vie. Et non pas qu'est-ce qu'il a eu comme position durant toute sa vie. Hein? Donc, c'est très important donc, de comprendre ça, que si ces gens-là étaient réellement sincères et qu'ils étaient sérieux de suivre Abul Hassan al-Ash'ari, ils seraient revenus à la position de l'imam Ahmad et la position de l'imam Abul Hassan al-Ash'ari avant sa mort. C'est ça, exactement. Barakallahu fik. Donc, sa voix intermédiaire, là. Hein? Les ulama, ils disent que ça, en réalité, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-kullabiyya. Parce que quand l'imam Abu al-Hassan, il a quitté la voie des Mu'tazila, il a quitté la voie des Mu'tazila parce qu'il a entendu les arguments d'un des prêcheurs parmi les gens de Kalam qui s'appelait Ibn Kullab. Hein? Et Ibn Kullab faisait partie des gens de Kalam. Il mélange l'utilisation de la sunna et l'utilisation de la logique et de la philosophie ensemble. Et donc, il a été séduit par cette voie-là. Il a aimé ça et il a quitté la voie des Mu'tazila à cause de ça. Mais il ignorait la sunna. Vous savez que les Mu'tazila, ils rejettent la sunna en grande partie. Les Mu'tazila, ils ont un principe qui dit que yani, ils n'acceptent pas les hadiths si ils sont ahad dans la croyance. Ahad, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un hadith est rapporté uniquement par une ou deux personnes ou un petit nombre, ils ne l'acceptent pas. Ils disent non, on n'utilise pas les hadiths qui sont ahad dans la aqida. Hein? Donc ça, c'est une de leurs ruses, hein, et un des moyens qu'ils ont ramené pour essayer de justement se détourner de la aqida d'Ahlus Sunna. Donc ils disent, nous on n'accepte que les hadiths qui sont mutawatir. Et les hadiths qui sont ahad, on ne les accepte pas. D'accord? Donc mutawatir, c'est eux qui ont inventé ces termes-là et cette définition-là. Les ulama de hadith, Ahlus Sunna, ils n'ont jamais distingué entre un hadith qui est rapporté par un grand nombre ou un petit nombre par rapport à son authenticité. S'il est authentique, ils le prennent et ils l'acceptent. Que ce soit rapporté par une centaine de personnes ou par une ou deux, c'est la même chose pour eux. Puisque l'important, c'est l'authenticité du hadith et non pas le nombre qu'il l'a rapporté. D'accord? Et donc, même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait un sahabi pour aller faire la da'wah dans un pays. Hein? Et les gens là-bas, du moment qu'ils recevaient le message de l'islam, ils étaient ordonnés d'y croire et de le suivre. Ils n'allaient pas dire, par exemple, non, mais ramène-nous un autre sahabi, ou bien deux ou trois, pour qu'on puisse l'accepter. Hein? Comme Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, il est parti au Yémen pour appeler les gens à l'islam. Hein? Et il y a plein d'exemples comme ça aussi dans la sunna où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une seule personne, où il a mentionné une personne, et la personne, quand on mentionnait un hadith, même si c'était une seule personne qui l'a rapporté, on l'acceptait. D'accord? Et l'important, c'est que l'isnad du hadith soit authentique, et du moment qu'il est authentique, ça suffit. D'accord? Donc les mu'tazila, ils rejettent la sunna en grande partie. Et quand c'est une preuve du Coran, eh bien, ils font qu'est-ce qu'on appelle, comme par exemple, ils vont dire, le Coran, oui, il est thabit. Hein? Ils disent, qat'i al-thubut. Il n'y a pas de doute sur son authenticité, parce que c'est dans le Coran, ils ne peuvent pas le nier. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils déforment son interprétation. Et ils vont dire que sa signification, on n'est pas certain qu'est-ce que ça signifie. Donc il joue avec le sens. Donc c'est ça. Après, par la suite, donc étant donné qu'il ne croit pas à la sunna, qu'il ne donne pas beaucoup d'importance à la sunna, c'est normal que Abul Hassan al-Ash'ari, après avoir quitté les Mu'tazila, n'avait pas beaucoup de connaissances de la sunna. Puisqu'ils ne donnent pas d'importance, les Mu'tazila ne donnent pas d'importance à la sunna. Donc après avoir quitté les Mu'tazila, il a très peu de connaissances de la sunna. Et donc c'est pour cette raison-là qu'il n'a pas probablement su, yani, la position des salafs sur la question des noms et des attributs. C'est pour ça que la période dans laquelle il était sur la voie de Ibn Kullab, eh bien, il a eu beaucoup d'erreurs dedans. C'est pour ça que on dit que c'est ceux qui le suivent aujourd'hui sont sur la voie de Al-Kullabiyya. Puis à la fin de sa vie, il est revenu à la voie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a et s'est repenti de ça. Et il a écrit son livre, comme on dit, Al-Ibana fi Usul al-Diyana. Certains ulama disent même que, même dans ce livre-là, il y a certaines petites erreurs encore. Hein? Mais c'est pour dire que, de façon générale, il est revenu à la sunna. D'accord? Et de façon générale aussi, les gens de Bid'a, parmi les gens de Ta'til, ils n'ont pas une règle unique pour yani, interpréter leur voix ou pour affirmer ou nier les attributs. Tu vois que certains affirment une attribut, d'autres la nient. Ils ne sont pas tous d'accord. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas une règle unique. Et c'est pour ça qu'on voit que c'est en fait quelque chose dans lequel ils se contredisent. Pourquoi ? Parce qu'ils prétendent suivre la logique et la raison. Et ils disent la raison, c'est la seule chose sur laquelle on peut se baser qui est certaine. Les hadiths, hein, ils mettent des doutes là-dessus. Et ils refusent de les accepter. Donc on leur dit, si vous dites que vous êtes tous en train de suivre la logique, pourquoi parmi vous, vous n'êtes pas d'accord entre vous alors que vous prétendez tous être sur la raison et la logique? La logique des Jahmiyyah, elle les a amenés à nier les noms et les attributs d'Allah. La logique des Mu'tazila, elle les a amenés à affirmer les noms mais à nier les attributs. Et la logique des Asha'ira, elle les a amenés à affirmer les noms et sept attributs mais à nier les autres. Comment vous prétendez être sur la raison alors que vous êtes tous en désaccord les uns les autres et vous déclarez tous les uns les autres mécréants? Ça, c'est de l'égarement. Donc vous prétendez être sur la raison alors qu'en réalité vous suivez uniquement une chose et c'est votre passion. Non. Donc, tout ça c'est pour expliquer le contexte de l'apparition de ces différentes sectes et de comprendre d'où ça vient et c'est qui les gens qui ont amené ces idées-là pour comprendre, avoir une meilleure compréhension générale de toutes ces égarements et d'où est-ce qu'elles viennent. Donc c'est très utile et ça peut être très bénéfique de savoir cette historique. Hein. Comme ça, après, par la suite, si vous rencontrez quelqu'un qui vous parle de ces choses-là, eh bien vous allez savoir au moins certaines connaissances qui vont vous permettre de les situer et savoir exactement d'où ils viennent, ces gens-là. Ensuite, le cheikh, il dit, « Hatta inna al-Razi, qala an ibn Khuzayma, لما كتب مؤلفا في الأسماء والصفات وسماه كتاب التوحيد قال عنه إن هذا الكتاب هو كتاب الشرك. الله المستعان. Donc Al-Razi, qui faisait partie justement de ces gens de Kalam, des Asha'ira, il a critiqué le livre de l'imam Cheikh al-Islam, un des imams parmi les salaf, Ibn Khuzaymah, qui a écrit le livre qui s'appelle Kitab al-Tawhid, dans lequel il affirme les noms et les attributs d'Allah. Il a dit ça, c'est un livre de shirk. Il l'a appelé Kitab al-Shirk. A'udhu billah. Pourquoi? Parce qu'il affirme les noms d'Allah et les attributs d'Allah. Hein? Donc on voit leur égarement. Pour eux, le shirk c'est le Tawhid et le Tawhid c'est le shirk. Et les Mu'tazila, ils ont basé leur croyance, la croyance de leur secte, sur cinq principes. Le premier des principes, c'est le tawhid. Donc, le tawhid, pour eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire de nier les noms et les attributs d'Allah. C'est ça leur tawhid à eux. Et ça, c'est un tawhid d'égarement. C'est pour ça que si vous entendez, par exemple, des fois des soufis qui parlent du tawhid, quand ils disent le mot tawhid, ils ne veulent pas dire la même chose que Ahl-Sunnah wal-Jama'a. La même chose pour les Mu'tazila. vous les entendez dire tawhid. Pour eux, tawhid, ça ne veut pas dire du tout la même chose que qu'est-ce que nous on veut dire par le tawhid. Et les asha'ira, la même chose. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut parfois faire attention à l'utilisation des termes. C'est pas parce que quelqu'un utilise un terme qu'il veut dire la même chose que nous. C'est pour ça qu'il faut leur demander parfois d'expliquer et de définir qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement. D'accord? Et ensuite, donc, il dit فمعناه أنه جعل يعني لأنه يثبت الأسماء والصفات فمعناه عندهم أنه جعل لله شركاء هكذا يزعمون فهم ينفون الأسماء والصفات من أجل التوحيد بزعمهم فالموحد عندهم هو الذي ينفي الأسماء والصفات والمشرك عندهم هو الذي يثبت الأسماء والصفات وهو قول باطل تعالى الله عما يقولون يعني وهو قول باطل حتى في المخلوقين إذا قلت زيد عالم كاتب حاسب إلى آخره هل معناه أنك جعلت أسماء زيد وصفاته مخلوقات أخرى معه شريكة له هذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول. Si tu dis par exemple à propos d'un être humain, à propos d'un frère ou de quelqu'un que tu connais, s'appelle Moussa, par exemple, ou Zayd. Zayd, c'est un écrivain. C'est un, par exemple, un écrivain. C'est un, comme il dit le cheikh, il donne des exemples. Un savant, un écrivain, un peintre, hein, ou bien peu importe. Tu mentionnes différentes choses. Est-ce que chacun de ces noms-là, c'est un Zayd différent? Ou bien c'est la même personne, mais tu le décris avec différentes caractéristiques qu'il a, différentes qualités. Donc c'est ça. C'est pas parce que tu affirmes plusieurs noms, plusieurs caractéristiques à une personne qu'il est plusieurs personnes. Ou qu'il a plus. Hein? Donc c'est ça. Eux, les Mu'tazila, c'est ce qu'ils ont pensé à propos d'Allah, que lorsqu'ils s'attribuent plusieurs noms, plusieurs attributs, ils prétendent que ça implique qu'il y a plusieurs. Hein? Plusieurs dieux. Et ça, c'est complètement absurde. Allah al-Musta'an. Mais ça, c'est l'ignorance. Pourquoi ils arrivent à des conclusions pareilles? C'est parce qu'ils se basent sur la philosophie. Ils se basent sur la raison. Pourquoi? Parce qu'ils imaginent que Dieu doit être un absolu et parfait. Hein? C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir. En tout cas, c'est des trucs de philosophie qu'ils ont ramenés. Donc on va pas rentrer dans tous les aspects de leur philosophie et de ce qu'ils veulent dire derrière ça. L'important c'est de savoir que qu'est-ce qu'ils disent, ça fait pas de sens, même dans la logique, hein, dans le gros bon sens comme on dit. Donc on va s'arrêter ici, mais avant de terminer, il y a juste quelques petits points que je veux clarifier, puisque étant donné que c'est la dernière rencontre que nous avons aujourd'hui. Et qu'on va probablement pas se revoir après maintenant. Donc, j'aimerais faire la clôture, si on veut, de ce séminaire, en donnant en même temps quelques conseils généraux, aux frères, puis en mentionnant aussi quelques éléments importants par rapport à notre manhaj et notre aqida. Premièrement, je suis très désolé d'une chose, c'est qu'on n'a pas pu terminer la risala de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani au complet. Le temps ne nous a pas permis, donc on n'a pas eu la possibilité de faire tout. C'est un livre qui est très résumé, mais en même temps, il nécessite d'être expliqué clairement. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas passer par-dessus des choses et que les gens ne comprennent pas comme il faut chaque point. Donc ça nécessite qu'on parfois s'attarde sur certains sujets avec plus de détails. Et donc ça prend plus de temps. On n'a pas pu le finir. Mais ne vous inquiétez pas sur ça, Inch'Allah, puisque même si on ne l'a pas fini ici, bien, on va le continuer, on va le compléter par la suite. Et vous aurez accès aux audios, Inch'Allah, sur le site. Donc vous pourrez les télécharger et les écouter par la suite, Inch'Allah. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais vous conseiller et que je voudrais vous mentionner, c'est de faire beaucoup d'efforts dans l'étude et dans l'apprentissage de votre aqidah et de votre manhaj, c'est quelque chose de fondamental et de très important. Surtout à notre époque, avec les nombreuses fitanes qui existent et avec les nombreux problèmes qui sont propagés. Et vous savez ce qui se passe un peu partout dans le monde actuellement parmi les musulmans et les fitanes, les tribulations, les tentations et les problèmes. Et on en a parlé un peu ici dans l'autre mosquée où j'avais fait la conférence justement sur ce sujet, sur le takfir et sur les khawarij et sur la question des fitanes par rapport à qu'est-ce qui se passe dans différents pays. Et qu'est-ce qui se passe même dans ce pays-ci, dans le nord, ceux qui prétendent suivre Al-Qaïda, qui prétendent suivre les Khawarij, ce sont des Khawarij. Donc, ils prétendent vouloir venir établir ici la charia d'Allah. Et ils s'opposent au pouvoir politique qui est ici. Et ils sortent contre le dirigeant. Tout ça, c'est des caractéristiques des Khawarij. J'aurais voulu vous en parler durant l'explication de ce livre, puisque l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, à la fin de son livre, il le dit, et ça je vais vous le mentionner juste pour que vous le sachiez. L'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il dit: wa at-ta'atu li a'immati al-muslimin min ghulati umurihim wa 'ulama'ihim, c'est-à-dire d'obéir aux dirigeants des musulmans, ceux qui sont responsables de leurs affaires, parmi les dirigeants politiques et les ulama. Et il dit également, pour trouver exactement l'endroit où il mentionne, donc il parle de cette question de l'obéissance aux dirigeants, puis il parle de tarkul mira wal jidal fid din, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans des débats et des argumentations au sujet de la religion, parce que ça, c'est une cause de division, et c'est quelque chose qui fait que par la suite les musulmans s'égarent. Et il y a un autre passage où il parlait justement de ne pas se révolter contre les dirigeants et des choses de ce genre. Mais de toute façon, Inch'Allah, vous allez pouvoir l'entendre dans l'explication des audios qui vont suivre, Inch'Allah. Puis dans les autres audios qu'on a fait, j'ai expliqué que j'ai fait la lecture et le sharh d'un livre qui s'appelle Mu'amalat al-Hukam fi daw al-Kitab wa Sunnah, c'est-à-dire le comportement du musulman envers le dirigeant selon le Coran et la Sunnah. Et c'est écrit par le Cheikh Abdus Salam Ibn Burgess. Et les cours de ce livre sont sur mon site internet Salafi de Montréal. D'accord? Donc vous pouvez les télécharger et les écouter, et ça explique les règles de l'islam au sujet du dirigeant. Que même si ce dirigeant musulman commet des péchés ou il a des fautes, ou il fait de l'injustice, c'est sûr que le croyant il déteste l'injustice, il n'aime pas l'injustice, mais ça ne doit pas l'amener à tomber dans la transgression et dans l'extrémisme et dans l'exagération. Du fait que il doit faire preuve de patience et d'endurance. Et il doit donner la nasiha à son dirigeant en lui donnant le bon conseil et en lui rappelant le bien. D'accord? Mais pas de faire comme le font les ikhwan, les frères musulmans, ou bien les autres groupes d'égarements parmi les khawarij, d'appeler à la révolte, aux manifestations, à sortir dans la rue, à casser tout et à même essayer de tuer le dirigeant ou de le remplacer. Alors qu'on sait que ça va créer du désordre et des problèmes. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été interdites par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans de nombreux hadiths. Et le djihad dans l'islam, c'est pas quelque chose qui se fait par la décision de quelques individus parmi les musulmans. C'est quelque chose qui s'applique uniquement par l'ordre de notre responsable politique et de notre dirigeant. Et avec son ordre et derrière son commandement et avec son armée. C'est pas X ou Y, Zayd ou Amr, qui s'organise avec un petit groupe qui décide de prendre des armes et qui dit on va faire le djihad. De la même manière qu'on n'a pas le droit par nous-mêmes de vouloir appliquer les peines de la charia sur des individus. parce qu'on dit ah ils ont commis des péchés et ces péchés là nécessitent qu'on coupe la main ou qu'on lapide ou qu'on fasse ci ou ça. C'est pas à nous de faire ces choses là ça c'est uniquement des responsabilités du dirigeant seulement. Et si il ne le fait pas, c'est lui qui aura des comptes à rendre au jour de la résurrection. Mais ce n'est pas à nous de se mettre à la place du dirigeant pour essayer de les appliquer si lui, il ne le fait pas. Et c'est ça la logique de ces takfiriens et de ces khawarij. Donc, le sujet est long, le sujet est vaste, nécessite beaucoup d'explications, nécessite beaucoup de clarifications, et ce serait impossible en 10 minutes de résumer tout ça. Mais l'important, et ce que vous devez savoir, et ce que vous devez comprendre, c'est que ces éléments-là sont des éléments qui sont des fondements de notre méthodologie et de notre manhaj et de la voie des salafs salih. Et donc, si nous sommes des salafis, nous devons les respecter, nous devons les accepter et les croire. Et contrairement à ce que les médias occidentaux, et même parfois certains médias dans les pays musulmans, propagent à ce sujet-là, que ce seraient les salafistes, comme ils les appellent, qui seraient derrière ces activités-là ou ces actes-là, eh bien ça c'est des fausses accusations. Du fait que les salafs ont tous contredit et opposé cette méthodologie d'égarement qu'ils suivent. Ce ne sont pas des salafis qui font ça, ce sont des khawarij. Et il faut les appeler par le nom, par lesquels nos ulama les ont appelés. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre eux. Et même a ordonné que le dirigeant les combatte et qu'on doit les combattre avec notre dirigeant aussi lorsqu'il les combat. D'accord ? Donc ça c'est des choses très importantes et donc il faut bien comprendre ça parce que maintenant il voit n'importe quel musulman qui porte la barbe ou qui porte le qamis ou a une apparence religieuse qui s'accroche à la sunna. Il le traite de radical, il le traite de toutes sortes de noms, extrémistes, intégristes, fondamentalistes, islamistes, ou je ne sais pas quoi. Puis le problème dans ça aussi souvent, c'est qu'ils ne définissent pas qu'est-ce que ça signifie ces termes. Donc, est-ce qu'un radical, c'est quelqu'un qui fait des attentats terroristes, ou bien un radical, c'est quelqu'un qui s'accroche aux principes du Coran et de la Sunna et qui ne dépasse pas les limites de qu'est-ce que la charia enseigne. Ou bien un radical, c'est quelqu'un qui accepte la charia et croit en ce qui vient d'Allah et qui rejette ce qui vient des kuffars, des occidentaux et de leurs principes et de leurs valeurs qui sont en contradiction avec l'islam. En fait, on voit que parfois, ils laissent ces termes-là un peu flous, un peu ambigus, justement pour ne pas expliquer et clarifier ce qu'ils veulent réellement. Donc, ils mélangent en terroristes et salafistes et intégristes et tous ces termes-là, à la fin on dit mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Nous sommes des musulmans, nous suivons le Coran et nous suivons la Sunna, et l'extrémisme ne se détermine pas par rapport à qu'est-ce qu'un chrétien ou un juif ou un laïc ou un athée décide ou désire, mais l'extrémisme se désigne par les textes du Coran et de la Sunna. Si quelqu'un veut dépasser la limite d'Allah et il fait des choses qui vont au-delà de ce que Allah nous a ordonné, dans le sens qu'il dépasse la limite d'Allah en exagérant, ça c'est de l'extrémisme. Et il y a aussi le contraire, l'extrémisme dans le sens de la personne qui est très laxiste et qui veut même enlever dans la religion d'Allah des choses qui font partie de l'islam, c'est aussi de l'extrémisme. D'accord ? Donc faites attention à ça, à ces choses-là, et ne rentrez pas dans les fitanes des khawarij, des gens qui appel à faire le désordre dans votre pays ou ailleurs, que ce soit Boko Haram, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit Daesh, que ce soit les autres groupes, peu importe le nom qu'ils se donnent, ou parfois même certains d'entre eux prétendent qu'ils sont salafis. Ce ne sont pas des salafis. Si quelqu'un se prétend salafi et qu'il contredit les fondements et les principes de la salafie, on dit non, ce n'est pas des salafis ces gens-là. Un dernier conseil, un conseil que j'aimerais vous donner aussi, c'est par rapport à qu'est-ce qui se passe par rapport à la da'wa salafia au Mali. Et vous savez que dans ce pays, il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup de formes d'égarement, il y a beaucoup d'innovations qui sont propagées dans la population en général. Les gens ont beaucoup de lacunes au niveau de la compréhension de l'islam. Donc il faut qu'il y ait une éducation de la population. Il faut qu'il y ait une da'wa, hein, qui est basée sur l'éducation et avec sagesse et avec bonne exhortation et avec compréhension. Il faut y aller avec les gens, avec sagesse, avec douceur, avec patience, avec bonté. D'accord ? Mais en même temps aussi, si vous voyez de la part de vos responsables religieux, de vos imams, des erreurs et des contradictions avec le Coran et la Sunna, votre devoir c'est de les corriger en leur donnant le bon conseil et en étant patient avec eux et en leur disant que qu'est-ce qu'ils font c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Mais yani, ne vous précipitez pas à vous diviser entre vous et à vous boycotter les uns les autres et à vous écarter les uns les autres, hein, sans même avoir donné l'effort et fait l'effort d'aller vers les personnes en question qui ont peut-être des erreurs ou qui ont peut-être des égarements, mais qui yani, peut-être sont inconscients de ça, ou peut-être qu'ils ont fait des erreurs yani, en pensant faire le bien, mais qui se sont trompés et ils ne savaient pas qu'ils étaient nécessairement en contradiction. Donc ce sont des gens parfois qui aiment la vérité et qui veulent faire le bien, qui veulent suivre la sunna. Parfois ils se trompent, ça peut arriver, on est tous susceptibles de se tromper et de faire des erreurs. Si quelqu'un d'entre nous fait une erreur, le devoir d'un frère musulman, c'est de corriger et de conseiller son frère avec bonté, avec sagesse, avec patience, hein? Et pas aussi comme s'il y en a qui sont impatients, ils veulent que le changement se fasse du jour au lendemain et ils veulent que les choses soient parfaites à 100% partout, et yani, c'est pas possible. Surtout qu'on est minoritaire, on est un petit nombre qui s'accroche à la sunna. Si on commence déjà à se diviser à ce niveau-là, eh bien, qu'est-ce que ça va aller? Qu'est-ce que ça va être plus tard? Non, ça peut pas continuer comme ça. Il y a des erreurs, il y a des fautes, il y a des contradictions, des fois de la part de certaines personnes. Mais il faut les corriger. Il faut garder ou établir un lien avec les grands ulama qui sont... Il y en a dans différents pays, des pays musulmans, en Arabie Saoudite et ailleurs. Les contacter, essayer d'établir des contacts avec eux, une bonne relation avec eux, pour qu'ils vous orientent dans la façon dont vous voulez établir la salafia dans le pays. Pour que vous profitiez de leurs bons conseils, de leur sagesse, de leur expérience. Ça, c'est fondamental que vos imams et que vos responsables... retourne à ces ulama et de ne pas dire que non, nous on est au Mali, on n'a pas besoin de conseils ou d'orientation de la part de savants qui sont dans d'autres pays ou qui sont yani, en Arabie Saoudite ou ailleurs, parce qu'eux ils connaissent pas la réalité. C'est pas vrai, ils peuvent connaître la réalité si on leur explique la réalité, hein? Et comme les ulama ils disent souvent une règle qui dit al-hukmu ala shay'in far'un an tasawwurihi. C'est-à-dire, la personne qui donne une fatwa, elle va donner une fatwa selon la conception qu'elle a reçue. Plus tu lui décris la situation de façon honnête et exacte, plus la réponse de ce savant va être correcte et exacte. Et il va pouvoir vous donner une réponse qui va régler et résoudre les problèmes. Mais si vous leur cachez une partie de la vérité, ou vous déformez les faits, et que vous lui demandez une fatwa, eh bien la fatwa va être... incorrect, parce que vous ne lui avez pas donné tous les éléments nécessaires. Mais il n'a pas besoin d'être ici nécessairement pour savoir, du moment que vous lui représentez la situation de façon honnête et en lui donnant tous les éléments nécessaires, et ils vont vous éclairer et vous guider, vous aider à avancer. D'accord? Et donc, entraidez-vous, hein? Soyez unis. Ça, c'est qu'est-ce que tous nos ulama nous incitent à faire aujourd'hui. Et en particulier parmi les grands ulama de notre époque, comme Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Rabi', Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Mohamed Ibn Salih, les ulama qui sont passés, Mohamed Ibn Salih Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh bin Baz, qui étaient des grands ulama de notre époque, ils ont tous appelé à ces choses-là. Et ceux qui sont vivants actuellement, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Rabi', Cheikh Mohammed bin Hadi, hein, et yani, les autres grands ulama, ils incitent tous à ces choses-là aussi. Cheikh Al-Mufti, hein, Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, et les autres. Donc, ça c'était juste un petit rappel et des conseils que je voulais vous donner. Il y a beaucoup de choses à dire et j'aurais voulu rester plus longtemps, mais Inch'Allah, je pense qu'il y aura dans l'avenir d'autres occasions pour qu'on se retrouve encore. Je vais revenir, j'espère, encore plusieurs fois au Mali dans l'avenir, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, hein, et je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous incite également aussi à faire des efforts, même après ce séminaire, à continuer à apprendre et assister aux cours pour augmenter votre compréhension de la religion musulmane. Hein, vous pouvez, certains disent, oh, moi je suis capable d'apprendre tout seul. Mais il y a une baraka dans le fait de s'asseoir ensemble et d'étudier la religion dans la mosquée. C'est pas comme quand on est tout seul puis qu'on apprend tout seul. Donc, restez ensemble, comme je vous dis, ne vous divisez pas et accrochez-vous à la vérité. Si quelqu'un dévie et il se trompe, ou vous voyez qu'après lui avoir clarifié la vérité, il s'obstine à suivre le faux, dans ce cas-là, appelez vos savants et demandez-leur quoi faire et comment gérer et comment agir avec la personne. Hein? Mais ne faites pas vous-même les jugements et ne vous précipitez pas vous-même à dire un tel est mubtadi, un tel est égaré. Demandez à vos ulama avant. Et si le alim il vous dit, oui, cette personne maintenant il faut la laisser, il faut s'écarter d'elle, il ne faut plus assister à ce que cette personne enseigne, dans ce cas-là, oui. Mais si c'est juste des jeunes, parfois ils sont excités, ils pensent qu'ils ont tout compris, ils veulent établir les verdicts sur les gens, un tel est mubtadi, un tel est égaré, un tel est ci et ça, sans retourner aux ulama, eh bien ça c'est la porte ouverte à la fitna et à de la division. Et vous n'allez rien être capable d'établir au Mali si vous êtes divisé entre vous et si vous n'êtes pas capable de travailler ensemble dans, dans le haqq et dans la vérité. Donc je vais conclure avec ça, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.